Chapitre 1er. Première nuit. Le monde, c'est ce que ton regard éclaire la nuit. C'est quand tu n'es pas là, c'est maintenant. C'est tout autour de moi, c'est ce soir, sans toi, comme tous les autres soirs où je cherche le sommeil en pensant à toi. Toute la vie se lit dans tes yeux. J'y vois le passé et j'y devine l'avenir. Ils sont mon livre d'histoire et tous mes projets, mon album de souvenirs et mon envie de vivre. Mon soleil se lève dans le bleu de tes yeux et se couche à l'ombre de tes paupières. Tu rythmes mon temps, tu marques le tempo de mon bonheur, jusque dans ce sommeil qui me gagne, et voici l'aiguille des heures, et voilà celle des minutes, qui tournent si lentement, en ton absence. Elles m'entourent, me saisissent, m'emprisonnent. Un autre visage, flou et changeant, essaie d'occuper l'espace. Il se déforme, se glisse partout. Il me regarde, m'observe, mais moi, je le distingue mal. Je l'ai déjà vu quelque part, sur une photo ou dans une revue, ou au coin d'une rue. C'est peut-être lui l'homme de la plage ou l'homme du banc. Il coule dans mon espace, il m'envahit et me colle de partout. J'en ai plein la tête. Existe-t-il? Je suis en train de l'inventer, comme toujours. Il me faut créer les autres rôles, mais pas le premier. Oh, le premier, mais où est-il? Il a disparu. Il a peur. Il se cache. Pourquoi? Ah, le voilà. Mais il était blanc. Et il devient noir. Puis blanc. Puis noir. Il clignote. Blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Là, pas là. Là, pas là. Là, pas là. Le petit garçon demande. Où habites-tu, toi, monsieur? Moi, j'habite dans son cœur, mon petit. Le petit garçon court droit devant lui. Est-il le fuyard ou le poursuivant? Il avale l'air goulûment. L'air fait le tour de son corps et le nettoie de fond en comble. Il est petit et son corps est parfait. Il court sur ton regard et s'envole. Là bébeuille le ciel que tes yeux font naître. Les petits sont purs, c'est après, quand il n'y a plus assez d'air pour le corps plus grand, que les impuretés s'accumulent. Elles y mettent le temps. Cela se voit chez ceux que l'on rencontre de loin en loin. Un jour, les cheveux sont expulsés du crâne, les yeux se vident, le corps s'affaisse de ci de là. Les habitudes restent collées partout. Les péchés triomphent après les désillusions et les déchets envahissent tout. Nous enflons sous leur pression et nous explosons enfin. Et le ciel n'en est tout souillé. Baisse vite les yeux, toi, petit, ne regarde pas ces nuages noirs. Le petit garçon court droit devant lui. Et maintenant c'est un homme qui court en portant une balise. Où cours-tu si vite, dis-moi? Je cours vers la mort. Vers la mort. Qu'a-t-il donc dans cette balise, dis-moi? Mes péchés. Tes péchés? Mais pourquoi cours-tu si vite? Parce que la balise est légère ou parce qu'elle est lourde et que tu es pressé d'arriver? L'homme court, sans répondre, droit devant lui, peut-être vers la mort. Il court sans que ses pieds touchent terre, et pourtant il ne vole pas, il glisse, plutôt. Ou bien, c'est juste la terre qui tourne, et l'homme attend que l'heure vienne, de l'autre latitude. J'observe ce qui se passe avec la sensation d'être absent. Est-ce une valise de péché? Je crois que cet homme fuit, et qu'il a peur. Pour qui? Pour lui. Je veux ouvrir cette valise, mais je n'ai que des yeux. Pourtant, j'arrive à pousser l'homme, et il trébuche, et la valise s'ouvre, et des liasses de billets de 500 € se répandent sur le sol. Menteur! Tu partais avec l'argent, et ces billets sentent la mort. Regarde-moi, que je vois ton visage. Regarde-moi! Le gros homme s'avance. On ne sait pas qu'il marche, on ne voit pas ses pieds. Il avance par saccades. On ne voit que son tronc énorme et sa petite tête posée dessus. Il porte un costume sombre et une chemise blanche, pas très nette, avec une cravate noire. Il fait le tour d'une place de son train de sénateur, et chaque fois qu'il termine un tour, il se déplace un peu sur le côté et se rapproche ainsi du centre de la place. Il laisse sur le sol les traces de son parcours en spirale. Ses yeux sont rouges, peut-être a-t-il pleuré. Il avance lentement mais résolument. Quelle force lui permet donc de traîner tous ses kilos? Petit à petit, il arrive au centre de la place et il semble prendre un peu de vitesse. Il a ses mains dans les poches et la main droite semble tenir quelque chose. Il a la mort dans le regard et une arme à la main. Il est presque au centre, mais la lumière faiblit et on ne le distingue plus très bien. Il ne reste que ses traces sur le sol. Il attend, derrière sa dune, le cœur bien au sec. Sa haine dégouline de partout. Il ne dit rien, il ne dira jamais plus rien. Il se parle dans sa tête et se dit qu'il doit punir celui qui va arriver. Le soleil est haut dans le ciel, qu'il ne veut plus regarder ce truc bleu sans intérêt. Il a froid, il grelotte, il a la fièvre qui le ronge et dont on ne guérit pas. Il attend, tête baissée, il regarde le sable. Il devinera l'arrivée de celui qu'il doit punir. Encore une femme qui se presse. Elle n'est pas en retard, mais elle a beaucoup de choses à faire. Elle a le corps un peu usé, mais qui fonctionne bien. Et elle marche vite. Elle a la tête remplie des histoires qu'elle a bues chaque jour. Des histoires d'amour bien rangées dans son cerveau, par ordre d'apparition dans sa mémoire. Elle marche vite, mais elle n'arrive pas à rattraper tous ses personnages. Même son héroïne n'est plus vraiment là lorsqu'elle arrive à destination. Des visages apparaissent et repartent. Des connus, des inconnus, des gais et des tristes. Ils se mélangent, se fondent en un seul, celui de l'aimé, qu'il suffit de regarder pour être heureux, avec ses yeux bleus de référence, dans lequel mon cœur aime tant se baigner et voudrait se noyer pour y vivre à jamais. Je suis en apesanteur dans le bleu de mon bonheur et chacun de mes gestes est un signe d'amour pour cette brune si belle. Chacune de mes paroles est une décoration d'amour à Marie. Le bleu s'atténue, devient grisâtre, avec des tons différents dans un coin et dans l'autre, qui changent lentement comme si ces nuances étaient tirées par une main invisible. Ici, il y a des plis plus foncés qui disparaissent l'un après l'autre, et là, des taches irrégulières qui naissent, se développent, se mêlent et s'évanouissent. Le gris durcit et commence à faire mal. Il pique les yeux et empêche de bien respirer. Il fonce, il baisse la tête. Il est maintenant uniforme, à l'exception d'un petit point rouge qui le salit. Ce point, tout petit, est pourtant la seule chose que l'on voit. Le gris est le décor et ce point, le premier plan, c'est la vedette. Les projecteurs sont braqués sur lui, on ne voit que lui. Rouge, rouge, rouge. Sang, sang, sang.